histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de votre histoire particulière, Chemin de voix, il y avait une larme dans chaque note, un soupir dans chaque respiration. C'est ce que l'on ressentait à l'écoute de l'histoire d'Alessandro Moreschi, l'histoire du dernier castrat. Quelle chance avons-nous de pouvoir entendre une telle voix datant de 1902 ? Comme il est dit dans le documentaire, on entend la voix d'une machine faite pour chanter, une troisième voix d'un autre sens, d'un autre sexe, d'un autre genre. Une voix qui laissait le public de la chapelle Sixtine en larmes lors de son interprétation de l'Ave Maria de Gounod. Marie Chartron et François Test nous racontent aujourd'hui une autre époque, une autre mue, une autre voix, un autre chemin. Qu'est-ce qui vous a incité au cours de votre chemin de voix, de votre parcours vocal, à aller consulter un orthophoniste, Antoine ? Donc, j'ai toujours eu une voix assez aiguë depuis que je suis petit. Et suite à mon stage de BTS, mon maître de stage m'a expliqué qu'avec la voix que j'ai par rapport à mon physique, ça allait être en décalage. Donc, j'allais perdre toute crédibilité auprès des recruteurs. Donc, je me suis fait violence et je me suis forcée à aller consulter l'orthophoniste. Qu'est-ce que ce maître de stage vous a dit précisément ? Quels étaient ses arguments ? Alors, on est dans une société très traditionnelle. Du coup, dès que les recruteurs vont te voir, d'abord ils vont t'entendre au téléphone et après ils vont te voir et ils vont se dire que c'est pas... Ils vont avoir du mal à croire que c'est toi au téléphone. Ce qui est peu vrai, puisque je vis cette situation assez fréquemment. Donc, voilà. Qu'est-ce que cette voix plus aiguë que la normale peut empêcher ? Ça peut empêcher l'embauche, ça c'est sûr et certain. Sur certains types de postes, ça peut très vite devenir embêtant. Voilà, et après il y a le problème aussi du regard des autres aussi. Quand vous êtes dans une équipe, si les femmes entendent que vous parlez plus aigu qu'elles, ça peut ne pas leur plaire. D'ailleurs, je vois avec les RH d'ailleurs, quand ce sont des femmes, elles ont une très drôle de réaction. Elles me le disent pas, mais ça se voit dans leurs yeux, quoi. Ça se voit sur leur expression de visage. Et quand vous êtes dans une équipe où il y a des hommes, et ben vous faites rapidement mépriser. Chemin de voix par Marie Chartron et François Test. Aujourd'hui, la mue faussée à la conquête des graves. Donc moi je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, j'habite à Saint-Denis. Depuis la fin de la troisième, je baigne dans un parcours scientifique en laboratoire. Donc j'ai commencé par un CAP, ensuite j'ai fait un bac et après j'ai fait un BTS, que là je repasse en candidat libre. Et à côté de ça, j'ai eu plus de 30 entretiens pour l'instant et du coup ça n'aboutit pas. Vous postulez pour quel type de poste ? Ce sont des postes de technicien de laboratoire ou des postes d'aide labo en fait. La plupart du temps, ce sont des postes d'aide labo. Et donc ce chemin de voie avant la mue, oui. Comment vous le décririez ? Ce chemin de voie, je dirais que c'est long et difficile. C'est très tortueux même parce que j'ai pas le soutien de mes parents là pour ça. Donc, c'est un petit peu compliqué, quoi. Je consulte l'orthophoniste en cachette, du coup. Voilà. Véronique Pina, vous êtes orthophoniste. Que se passe-t-il précisément au moment de la mue ? En fait, à l'adolescence, sous l'effet des transformations hormonales, le corps grandit, tout le corps grandit, et puis à l'apparition donc de la puberté, les cordes vocales sous l'effet notamment chez les jeunes hommes, chez les adolescents de la poussée de testostérone, les cordes vocales vont s'allonger et s'épaissir en même temps, ce qui va provoquer une descente de la voix puisque les cordes vocales ainsi alourdies et allongées vont vibrer plus lentement. Donc des cordes vocales qui vibrent plus lentement, ça va correspondre à une voix plus grave. en même temps les cavités de résonance, sous l'effet de l'agrandissement, de la poussée de croissance, vont également s'élargir et s'agrandir, ce qui va donner aussi un caractère au timbre un petit peu plus avec des harmoniques graves, qui va aussi confirmer l'aggravation plus générale de la voix. Les garçons vont descendre à peu près d'une octave et les filles beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle la mue chez la fille est plus discrète, passe souvent même inaperçue, sauf chez les jeunes chanteuses qui s'en rendent quand même compte. Mais habituellement, la mue chez la fille est plus discrète, elle est d'environ une tierce. À partir de la quatrième, je me rappelle, j'avais la voix plus aiguë en cours de musique que toutes les filles de ma classe, donc... je chantais plus au quel et du coup ça plaisait aux profs mais ça plaisait pas du tout aux élèves, du coup c'est très embêtant. Et après vous êtes toujours un peu écarté des garçons mais les filles non plus elles vous acceptent pas, du coup vous vous retrouvez tout seul au fond de la classe, vous savez, la personne un peu déprimée toute seule, et vous avez juste hâte que ça s'arrête. Limite j'existais pas pour certains de mes profs, c'est-à-dire mon prof de physique chimie, je travaillais bien mais il me voyait jamais. C'est-à-dire, la personne, elle parle pas de la journée. Elle travaille, elle est gentille, elle dérange personne, mais Antoine, il est pas là. Il est là physiquement, mais il participe pas à la vie de la classe. Il est, je sais pas, c'est la petite personne qui est toute seule. Parce que vous n'osiez pas prendre la parole en classe. Oui, voilà. Ah oui, mais ça, c'est un gros problème de communication, ça. Parce que déjà, si on se moque de vous, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous allez pas vous amuser à faire un exposé devant toute la classe. Ça, c'est sûr et certain, donc... Oui, ça a créé de gros problèmes de communication. Mais bon. Heureusement, j'avais ma prof de STBI, là, pour me soutenir sur ça. Elle avait une voix d'homme, elle a une voix grosse, voix grave. Donc, pour le coup, ça allait très très bien en cours. On pouvait se parler sans problème. C'est bien, ça veut dire... Ça peut pas être plus bizarre que vous, en fait. Donc, finalement, ça va. C'était valorisé musicalement, en tout cas, oui, d'avoir voilà. Une voix aiguë. C'était bien. Oui, c'était bien au niveau chant, ça, c'était bien. Claire Gilly, musicologue, psychanalyste. Un enfant qui va devenir un adulte en passe par un poste frontière sur son chemin qui s'appelle l'adolescence, qui s'appelle qu'avez-vous à déclarer ? Qu'emmène-t-il dans ses bagages de ce temps de l'enfance, de cette voie de l'enfance ? Et que va-t-il trouver dans ce nouveau pays adulte, de cette voie adulte ? Entre les deux, c'est la voie adolescente, la voix de la mue, un passage de frontière qui peut se faire très rapidement, ou bien alors il peut rester longtemps sur le parking et finalement ne jamais endosser cette voix adulte. Alors dans nos sociétés occidentales, par exemple entre autres en France, on parle de la perte de la voix. L'enfant est petit, il va avoir 9 ans, 10 ans, et tout le monde guette, mais quand est-ce qu'il va perdre sa voix ? Vous vous rendez compte le poids de cette expression « perdre sa voix » ? Ça, c'est pris dans le langage. Et Pascal Quignard en a très très bien parlé dans son livre « La leçon de musique » où il montre la tragédie de devoir aller au-devant d'une perte. Bon, déjà à 6 ans, il va perdre ses dents et il sait qu'il y a une autre perte, une perte de un de ses attributs qu'il porte avec lui depuis qu'il est enfant, la voix. Mais vous voyez, c'est pris dans le langage, et c'est là que la psychanalyse est intéressée, parce que dans d'autres peuples, dans d'autres coins du monde, en Afrique par exemple, on ne perd pas une voix, on gagne une voix, ou on gagne une autre voix. Il y a des enregistrements tout à fait saisissants dans certaines tribus, en Éthiopie également, où au moment de l'adolescence, le garçon passe d'une voix à l'autre. Quand je dis passer d'une voix à l'autre, ce n'est pas qu'il passe de sa voix d'enfant à sa voix d'adulte, c'est qu'il a gagné une nouvelle voix et s'amuse lui tout seul à faire le grand écart entre sa voix d'enfant et sa voix d'un presque homme ou déjà homme. À partir du moment où l'enfant va gagner une deuxième voix, il peut garder à vie cette voix d'avant et cette voix de la mue. Dans des enregistrements, vous entendez quelquefois trois voix chanter. En fait, il n'y a que deux personnes, un enfant et un adolescent en train de muer. Il gagne une autre voix et vous voyez bien que psychiquement, il ne va pas au-devant d'une perte. Pascal Quignard parle même lui d'un deuil. Qu'est-ce que ce serait que de faire le deuil de quelque chose qu'on avait avant en soi ? Là, c'est la psychanalyste qui parle, mais ça a une odeur de castration qui peut faire très peur. Vous êtes orthophoniste, donc les personnes viennent vous voir précisément quand elles ont mal à la voix ou quand elles ont du mal à trouver leur voix. Dans le cas d'une mue faussée, que se passe-t-il et que faites-vous, Véronique Pina ? En règle générale, on les voit lorsque la mue ne s'est pas faite correctement et qu'au bout d'un moment, ça finit par être un peu ennuyeux, socialement ou par rapport à l'entourage. Donc, effectivement, la plupart du temps, ces jeunes arrivent avec une voix qui est effectivement très aiguë, alors que leur corps est un corps d'homme. De temps en temps, il y a un retard d'adaptation de la voix à la nouvelle anatomie, c'est-à-dire au fait que les cordes vocales ont grandi, se sont allongées et que normalement elles devraient produire des sons plus graves. À certains moments, les jeunes hommes hein, essentiellement, puisqu'on ne voit pratiquement jamais les filles pour cela, les jeunes hommes continuent à parler dans leur voix aiguë parce que c'est peut-être pour eux un refuge. Alors il peut y avoir tout un tas de raisons à cela. Et ils ont également probablement un peu peur de ces sons graves et complètement incontrôlés qui sortent de leur gorge et qui peuvent être pour certains et parfois pour l'entourage un peu choquants. Comment ça pour l'entourage ? Pour la famille, parfois, pour la maman par exemple, ça peut être troublant d'entendre des sons d'une voix d'homme sortir de la gorge de leur petit garçon, entre guillemets. Pour citer Paul-Laurent Hassoun, il y a le corps anatomique, qui est celui qu'on confie au médecin. Il y a le corps social, celui qui est pris dans l'histoire et la géographie de son pays. Et puis, il y a le corps pulsionnel. Donc, effectivement, le corps anatomique va subir des transformations. Et au niveau du larynx, c'est énorme. Un gain de 60% de volume. Enfin, il y a un petit séisme dans le corps qui vient vraiment souligner l'adolescence au niveau phonatoire comme au niveau sexuel. Et c'est ça qui est extraordinaire à remarquer, c'est que les deux vont de pair. Vous écrivez « pair » comme vous voulez, mais il y a effectivement un séisme dans le corps qui va le faire changer. Au niveau du social, le rapport à sa voix est pris dans une histoire. On a un exis corporel, un habitus vocal. Toutes les sociétés n'ont pas le même rapport à la voix. Maintenant, troisième corps, c'est le corps pulsionnel. Nous sommes tous des réservoirs de pulsions maintenus depuis l'enfance grâce à cette régulation par la famille, par l'école, par les religions, par la société. Alors le moment de l'adolescence est un moment de révolution pulsionnelle. toutes ces pulsions qui avaient été maintenues à distance vont se trouver réveillées par cette autre révolution qui se passe dans le corps, et il y a un déchaînement pulsionnel. Non pas simplement parce que la voix, comme d'autres objets pulsionnels, va être prise dans une sorte d'auto-érotisme que l'enfant connaît bien, mais parce que l'enjeu de l'adolescence, c'est de sortir de la famille, de se délocaliser et de se trouver d'autres familles à l'extérieur. Alors la voix, elle va devoir se mettre en relation avec l'autre. Le mode d'échange change avec l'autre, le mode de parole, le mode de récit, le mode d'adresse. Avec derrière deux grandes questions qui passionnent la psychanalyse, c'est comment est-ce que je veux me situer par rapport à la demande de l'autre, la demande d'amour, la demande sexuelle, la demande sociale, et aussi par rapport au désir de l'autre. Donc voilà un peu cette immense aventure qui attend la voix de l'adolescent et de l'adolescente. Je suis ce soir avec mes rêves. Je suis ce soir. L'année dernière, en fait, je me suis forcée du coup à aller voir un phoniatre en fait pour mes cordes vocales. En fait non, j'ai pas de problème de mue en fait, elle avait bien été effectuée moi. J'ai pas de problème de larynx ou de problème mécanique, c'est psychologique plutôt. J'ai une mue faussée. La mue elle a bien été effectuée du niveau physiologique, anatomique on l'a bien, mais psychologiquement il y a dû y avoir un gros manque de confiance à ce moment-là. Du coup j'ai gardé ma voix aiguë en fait. Au lieu de descendre, elle est restée en haut, quoi. Sûrement par manque de confiance. Du coup, quand on le sait, ça va, on arrive un peu plus à cibler le travail avec l'orthophoniste et ça va mieux. Pour que les jeunes gens puissent trouver leur voix d'homme, leur voix de poitrine, quels exercices leur faites-vous faire, Véronique Pina ? Alors, cela peut être très rapide, hein, c'est-à-dire que parfois, au cours du premier entretien, on entend des sons graves qui sortent. Donc on va essayer d'accompagner le jeune pour qu'il puisse s'installer mieux dans ses sons graves, lui faire prendre conscience par exemple que les sons graves vibrent plus dans sa poitrine, que c'est plus confortable, donc on va faire des exercices de détente, de souffle évidemment, parce que le souffle doit accompagner toujours le travail vocal et il permet plus de souplesse dans la production de la voix. Mais en fait, ça va, c'est un exercice de posture, de respiration, d'articulation aussi. Après, il y a l'exercice de vocalise de voyelles. Donc, c'est des A, des I, des O, des I. Après, il y a aussi l'exercice de nez, ça je me rappelle aussi. Il ne fallait pas que le I rentre dans le nez. Ça, c'est ce qu'il fallait éviter. Oui, parce que le I nasal, c'est laid. C'est pas beau. C'est pas joli de parler comme un canard, c'est pas beau. Donc, non. Si j'ai un jeune homme qui arrive et qui saute comme ça, par exemple, je vais le faire tousser un petit peu comme ceci. Et puis, du coup, il va entendre qu'il y a des sons graves. Et puis, je vais lui proposer de rester dans cette sonorité-là. On peut faire des exercices, par exemple, en proposant de souffler par la bouche et en imaginant que l'on veut éteindre ou faire vaciller la flamme d'une bougie. Donc, on va faire des sons comme ceci. Et puis petit à petit, on va greffer la vibration des cordes vocales sur ces deux sons-là. Par exemple, si je fais vibrer mes cordes vocales à partir du son F, bien entendu toujours en pensant au souffle, ça va donner le son V. Et puis, au bout d'un moment, on peut également travailler sur l'étendue vocale. Donc, on va proposer des sirènes, par exemple, des vzzz. On peut proposer également des brrrr. Et petit à petit, on peut, de cette manière-là, étendre le travail des fréquences, enfin, c'est-à-dire des tonalités. <t'-> Mais après, l'objectif de l'orthophonie, c'est pas de vous rendre la voix la plus aiguë ou la plus grave possible. Ça, c'est faux. L'objectif, c'est de trouver une tonalité dans laquelle vous soyez à l'aise. Et une tonalité aussi qui est bonne dans les relations sociales. Hein. C'est pas de vous... On va pas passer de la voix la plus aiguë à la plus grave possible. Il faut pas que ce soit trop caverne non plus. Mais après, il faut pas non plus parler tout le temps sur la même note. Ça devient, sinon, ça endort, en fait. Il faut varier les sons. C'est pour ça qu'avec l'orthophoniste, on s'est entraîné sur la messagerie vocale avec ça. Sur ma messagerie vocale. C'est un bon exercice, ça. Parce que vous entendez ce que vous dites, là. Et vraiment, ça peut vraiment choquer, des fois. Voilà. Donc, on l'a refait plusieurs fois pendant la séance, oui, effectivement. Donc là, j'ai une bonne messagerie, ça va. On peut vivre très très bien avec des nodules, même avec un polype comme Armstrong, même avec une mue faussée, même vous avez des comédiens d'ailleurs qui font des carrières là-dessus, parce qu'on est en harmonie et on est en bonne entente avec sa propre voix et on ne la vit pas comme un symptôme. Alors que pour d'autres sujets qui vont vivre cette voix comme un symptôme, ils vont même quelquefois enkyster ce symptôme jusqu'à se retrouver incapable de parler, donc de s'inscrire dans une polyphonie sociale, donc de dialoguer avec l'autre, et leur voix ne va même plus pouvoir, j'allais dire, sexualiser la langue et s'inscrire dans l'échange amoureux et désirant avec l'autre. C'est-à-dire que cet être parlant, comme disait Lacan, a besoin d'en passer par cet appel, par cette pulsion invocante, pour qu'une adresse puisse être faite à l'autre qui sonne juste. Et là, ce serait une adresse faussée. Et tant pis si la voix est faussée, c'est l'adresse qui est faussée et qui, dans ce cas-là, nous inscrit faussement dans la relation à l'autre. Trop grave, c'est trop froid, c'est hautain, et si c'est trop aigu, ça fait... C'est trop émotif, donc non, ça va pas fonctionner non plus. Ça pourrait vite devenir agaçant, en fait. Alors c'est ça, les aigus, c'est l'émotivité. C'est justement ce qu'on utilise pour exprimer une émotion, plutôt. Alors que si vous êtes dans une situation d'autorité ou de séduction, il faut parler plus grave. N'importe quelle femme sera plus attirée par un homme qui parle avec une voix grave qu'une voix aiguë. Quand on est un homme et qu'on séduit, il faut parler plus bas, c'est plus joli, c'est plus viril. Des fois, votre voix ne véhicule pas votre vraie image, en fait. Vous avez une voix, vous pouvez avoir une très très grosse voix, mais on va avoir l'impression que vous serez hyper sévère, mais en fait, vous êtes peut-être très doux comme un agneau. C'est un peu comme si la parole disparaissait complètement derrière la voix et qu'on n'entendait plus que la voix et plus les mots, c'est ça, en fait. Mais c'est ça le problème. Des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Dans les cultures européennes, il y a quand même une forme d'injonction à accrocher les graves. Ce que vous appelez accrocher les graves dans la construction de l'identité masculine, Claire Gilly. Et vous dites même que les voix féminines deviennent plus graves. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai appelé pendant un temps une mue sociale de la voix. Les sociologues et les anthropologues qui étudient ce contexte dans nos sociétés européennes ont effectivement pu prouver, et je vous renvoie à certaines études, qu'à partir du moment où le droit de vote a été légalisé pour les femmes et qu'elles ont dû prendre la parole sur la voie publique, alors il y a eu un enjeu à, j'allais dire, rivaliser avec les intonations graves des voix parce qu'il y aurait des enjeux de pouvoir et de séduction. Je pense à certaines orthophonistes qui se sont spécialisées ou qui reçoivent des demandes de femmes qui, en tant que politiques, en tant que femmes avocates, politiques ou dirigeantes de sociétés, demandent cette aggravation de la voix, pensant qu'à ce moment-là, elles seraient plus crédibles et qu'elles pourraient s'inscrire dans une polyphonie sociale où elles seraient reconnues par la voix comme faisant partie de la tribu politique ou de la tribu des magistrats. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Oui, à la base, moi j'ai plutôt une voix très claire. J'ai vraiment une voix très claire, vraiment. Donc. Sauf que là, quand vous me voyez maintenant, ben là, je fais 1m82 et je suis large, donc ça va pas ensemble. Et donc, au fil de ces séances d'orthophonie, vous avez l'impression de découvrir votre voix ou d'apprivoiser votre propre voix, Antoine ? Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt apprivoiser, oui. C'est vrai. Je pensais pas du tout que je pourrais m'entendre parler grave un jour, mais finalement, ça va. C'est dans la tête, en fait. Il faut rêver à... passer au-dessus de ce blocage et à accepter de se découvrir autrement, en fait. Mais une fois qu'on y arrive, c'est très agréable, en fait. Et cette voix grave, est-ce que vous l'avez sortie du cabinet de l'orthophoniste ? Est-ce que vous l'avez expérimentée ? Au téléphone, oui, quand on a un recruteur devant un recruteur, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle, il faut mieux, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il vous dise « madame ». Ça va, j'ai eu mon dernier entretien hier, ça va. Avec une femme, et ça s'est bien passé, ça va. Elle m'a pas dit madame au téléphone, donc ça va. Finalement, nous serions peut-être tous un peu plus détendus et fantaisistes si on avait droit à davantage de diversité vocale, non, Claire Gilly ? Tout à fait, je crois même que nous l'avons, cette diversité vocale, mais nous pouvons la nier. D'une heure à l'autre, nous muons. D'une journée à l'autre, nous muons, selon ce que nous vivons. Dans notre vie, mais ce droit à la différence qui fait tellement partie des récriminations sociales existe aussi au sein de la voix, c'est-à-dire de pouvoir changer de voix sans que ce soit vécu par l'autre, par l'oreille de l'autre, comme une instabilité vocale et pire, une instabilité psychique. Beaucoup passent du temps à interpréter. Pourquoi passer tant de temps à interpréter ce que serait le psychique de l'autre dans la voix ? La voix était le reflet de l'âme, disaient les philosophes et les littéraires autrefois. Maintenant, on voudrait que ce soit le reflet du psychisme, de la structure psychique. Mais qu'est-ce qu'il en est de la part de ces personnes qui ont l'oreille ainsi braquée sur le faisceau vocal pour essayer d'en déchiffrer quelque chose sans en avoir les outils ? Je parle même au-delà de la mue sociale et de la mue psychique et de la mue vocale. Il y a une première mue que nous avons tous vécue et qui passe inaperçue et pourtant que nous avons engrangée, qui est à la source de notre histoire. C'est la mue que nous avons opérée en tant que bébé quand nous avons perdu toute cette immense panoplie vocale et linguistique qui était la nôtre, hein, nous étions polyglottes, et que nous entrons dans le langage. C'est une mue extraordinaire de s'installer dans le langage qui va faire le lien à l'autre. Et pourtant, c'est au prix d'une perte, première perte, de 75% de nos facultés vocales, que nous avons totalement refoulées, comme disent certains, oubliées, mais nous en portons les stigmates. Et d'ailleurs, les musiciens, quand ils vont explorer toutes les possibilités linguistiques et vocales, retournent certainement à ce temps heureux que Lacan appelait la langue, en un seul mot, où dans le babil de l'enfant, dans tous ces petits bruits de succion, des bruits corporels, l'enfant s'inscrivait déjà comme futur petit être parlant. Parce qu'il n'y a pas que la parole pour nous inscrire dans le monde. Il y a aussi tout ce que la voix dit ou ne dit pas, en plus ou en dessous de la parole, ou au-delà de la parole. C'était la mue faussée à la conquête des graves, avec Antoine, Claire Gilly et Véronique Pina. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Marie Chartron et François Teste. Une histoire particulière, c'est fini.